Les parents, quand on est bébé, défendent, défendent, défendent. À 12 ans, c'est monsieur l'abbé qui gourmande, gourmande, gourmande. Au collège, ce sont les pions qui réprimandent. Et plus tard, des chefs de section qui vous commandent, qui vous commandent. Enfin, majeur, débarrassé des maîtres qui vous enguirlandent. Par une maîtresse, on est pincé, qui quémande, quémande, quémande. Qui commande, qui gourmande, qui quémande, commande, gourmande. Et tout est à recommencer. Maintenant, ma petite, je me sens grisée, galvanisée. Je vais faire une noce à tout casser. Comme il va vite, comme il va vite. Comme je sens que je vais m'amuser. Comme il va vite, comme il va vite. Et dire que c'est ce petit bout de femme toute petite qui m'a changé du tout au tout. Comme ça vous console vite une femme qu'on ne connaît pas du tout. On se connaît pas, mais on se devine. Votre air tendre m'a fait pitié. Par votre bonne mine, c'est peut-être ça l'amitié. Moi, j'aime votre silence, vos sourires. J'entends ce que vous me dites qu'à moitié. Vous me plaisez sans que j'ose le dire. C'est peut-être ça l'amitié. Quand on est ensemble comme frère et sœur, comme frère et sœur, comme sœur et frère, que n'êtes-vous ma sœur, que n'êtes-vous mon frère? On n'aurait qu'un cœur et qu'un seul bonheur. On se dirait tout, on s'aimerait beaucoup. On se connaît à peine. On va séparer. C'était pas la peine de se rencontrer, mais je suis content tout de même. Et moi je suis contente aussi, c'est pas de l'amour. Pourtant on s'aime. On s'aime comme quand on était petit. Que ne suis-je pas frère? On n'aurait qu'un cœur et qu'un seul bonheur. On se dirait tout, on s'aimerait beaucoup. On se connaît à peine, on va séparer. C'était pas la peine, pas la peine, pas la peine. C'était pas la peine de se Eh bien, qui est-ce qui avait raison, hein? Il est parti, votre grand chagrin. Oui, c'est drôle. On pourrait peut-être se retrouver. Le dimanche, vous êtes libre? Mais mon bon monsieur, j'ai pas de dimanche, moi. Je travaille tous les jours. Ah, c'est comme moi. Je n'ai pas de dimanche non plus, puisque je ne travaille jamais. Ben alors, on se reverra pas. Non. Oh, c'est dommage. Au revoir, monsieur. C'est dommage. Au revoir, mademoiselle. Eh bien, Ciboulette, on t'attend pour signer la feuille de sortie. Allons, viens, mon petit. Ah, monsieur du parquet, vous n'oubliez pas que c'est aujourd'hui lundi et que, comme tous les lundis, vous déjeunez chez mon oncle à Aubervilliers. C'est entendu. J'irai avec toi à Aubervilliers. La viroflée Montmorency qui arrive. Les gens de la haute qui vont se coucher.